Attendre se dit esperar. Esperar signifie à la fois espérer et attendre. Esperar. Alors, si vous voulez dire j'attends, c'est espero. Espero. Espero. Au présent, il faut toujours insister sur l'avant-dernière syllabe. La seule exception, c'est avec estar. Il ou elle est, ainsi que pour vous, vous êtes, se dit está. On insiste sur la dernière syllabe. Está. Está. Et non pas est. Parce que esta veut dire cette. On l'avait vu dans esta noche, esta casa, etc. Donc, on a dit, par exemple, ¿dónde está? Où est-ce? Alors, comment direz-vous « je voudrais savoir où c'est » ? Quisiera saber. Très bien. Quisiera saber où c'est. ¿Dónde está? D'accord. ¿Dónde está? Et si je vous demande, est-ce que vous pouvez me dire où c'est? ¿Puede decirme dónde está? ¿Puede decirme dónde está? C'est ça. Donc, está est la seule exception, le seul cas où l'on n'accentue pas la 20-dernière syllabe au présent. Alors, une fois de plus, revenons au verbe attendre. Esperar. Alors, j'attends se dit espero. Espero. Et il ou elle attend, ainsi que usted, vous attendez. Espere. Encore une fois. Espere. Alors, vous avez bien insisté sur l'avant-dernière syllabe. Et j'ai tendu l'oreille pour entendre la terminaison qui vient après, mais je ne l'ai pas perçue clairement. Du coup, je ne sais pas de qui on parle. Vous avez accentué correctement, mais il faudrait prononcer la terminaison plus clairement, même s'il n'est pas accentué. Il faut qu'on puisse l'entendre, parce qu'en espagnol, il est rare qu'on précise « je »,« tu »,« il ». C'est donc la terminaison qui nous indique le sujet du verbe. Reprenons. « Il attend », c'est « espera ». D'accord, espera. Si vous dites espere, c'est ce que j'ai cru entendre tout à l'heure, espere, qu'est-ce que ça veut dire? Attendez. Tout à fait, ça devient un ordre. Et au présent, on fonctionne avec deux sons clés, a et e. Et si on les intervertit, ça devient un ordre de l'impératif. Alors, comment direz-vous? Pourquoi est-ce que vous, usted, pourquoi est-ce que vous attendez ici? Porque espera aquí. D'accord. Répétez-le encore une fois. Porque espera aquí. Accentuez un peu plus. Porque espera aquí. D'accord. Porque espera aquí. Et comment direz-vous? Pourquoi est-ce que vous n'attendez pas ici? Porque espe... Pourquoi est-ce que vous n'attendez pas ici? Porque no espera aquí? Voilà. Porque no espera aquí? Porque no espera aquí? Comment direz-vous? Pas de problème. Je vous attends. Vous voyez votre interlocuteur. Il n'y a pas de problème. Hay. Il n'y a pas. No hay. No hay, oui. Il n'y a pas. Il n'y a pas de problème. Problème se dit Oui, problema. C'est ça. No hay problema. Il n'y a pas de problème. Je vous attends. Je vous attends. Les espero. D'accord. Les espero. Les espero. Et je t'attends. Te espero. C'est ça. Te espero. Alors, te espero, je t'attends. Et le espero, je vous attends. Donc, il vous attend se dira. Le espera. C'est ça. Hein? Le espera. Ou elle le espera. Si vous avez besoin de préciser que c'est lui qui attend. Et ella le espera, si vous voulez préciser que c'est elle. Il ou elle m'attendent. Je parle du il ou elle au pluriel. Il ou elle m'attendent se dira. Me esperan. Ah non. Me esperan. Bien, c'est ça. Hein? Alors, encore une fois. Il ou elle m'attendent. Me esperan. Oui, mais pour savoir quel est le sujet, je voudrais entendre clairement la terminaison, hein, sans que elle soit accentuée pour autant. Me esperan. D'accord. Me esperan. Il est très important de pouvoir entendre clairement la terminaison pour connaître le sujet du verbe. Ran. Esperan. Qu'est-ce que vous attendez? Vous posez la question à ustedes. Que esperan. Non. Esperan. C'est ça. Hein? Ran. Esperan. Mais l'accent doit tomber sur l'avant-dernière syllabe. Vous pouvez le refaire, s'il vous plaît? Oui. Que esperan. D'accord. Que esperan. Hmm? Et pour dire, est-ce que tu m'attends? Me esperas. D'accord. Me esperas. Répétez, s'il vous plaît, la question. Me esperas. D'accord. Me esperas. Et nous attendons, c'est... Esperamos. Oui. Donc, avec nous, on part de l'infinitif, esperar, on enlève le R final et on le remplace par mos. Esperar, on enlève le R et mos. Esperamos.